317e départ, je pense qu'on va y arriver. Non, je rigole, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien. C'est un home recording, le numéro 3 dans ma série à moi. J'en avais enregistré un il y a 2 ans, en 2017. J'en ai enregistré un récemment, en février. Et voici le nouveau, en mars 2019. Je ne sais pas du tout quand vous entendrez cette saga. J'espère que vous l'entendrez, d'ailleurs, on ne sait jamais. En tout cas, tout va bien. J'espère que nous allons passer 2 heures sans trop de problèmes ici. Et l'album de la semaine, c'est l'album Rock'n'Roll de John Lennon en 1975. On écoutera Bebop et Lula, Stand By Me, Slipping and Sliding, Rip It Up, Ready Teddy, c'est un medley, You Can Catch Me, et un medley final, Bring It On Home To Me, Send Me Some Loving. Il y aura aussi du McCartney, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour McCartney, I'm In Love Again, sur l'album de son copain Klaus Voormann, A Sideman's Journey, en 2009. Pour Harrison, ce sera Rockin' Chair In A Way, sur Brainwashed, en 2002. Why Not, c'est le titre du morceau chanté par Ringo Starr sur l'album Why Not, en 2010. Quant aux Beatles, ce sera Child Of Nature, les Escher Demo, alias Jealous Guy, en 71, mais là préparé en 1968 par les Beatles. Et si cette chanson n'était pas sur l'album, c'est tout simplement qu'elle ressemblait dans le style, dans la façon c'était le même modèle que Mother Nature's Song de Paul McCartney, donc elle a été écartée, cette chanson-là, voilà. Pour le reste, je vous propose de nous retrouver sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, même si je ne suis pas là, c'est pas grave. Et vous pouvez en parler, donc. Et on se dit à tout de suite pour la suite de la saga des Fab Four. John Lennon, Rock'n'Roll, Bebop Lula sur RG. Les deux rockers, John Lennon d'abord, Paul McCartney ensuite, et là beaucoup plus calme. Monsieur George Harrison sur son dernier album Brainwashed, sorti en 2002. Voici Rockin' Chair in Hawaii. Hawaii. Hawaii. Hawaii. To the river, gonna take me my rocking chair. Going down to the river, gonna take me my rocking chair. And if the blues don't play, gonna rock all the way. Shine. If you want me, woman, please don't pass me by. I love those sideways glances, your shoulder and your thigh. Still busy hiding what it is you've got. And if you're frightened of losing what you like a lot, you may be cruising backwards while thinking that you know it. Be going someplace, someplace you've already been. Why don't

Come on down. Beatles. la chanson, si on l'adaptait en français, ça donnerait quelque chose comme « je te veux tellement que ça me rend dingue, ça me rend dingue. Je te veux tellement, ça me rend dingue, ça me rend dingue, ça me rend dingue, je te veux tellement, etc. » Voilà. Et à la fin, « she's so heavy », alors c'est « elle est si lourde », mais je pense que ça veut dire « elle est si sexy », si quelque chose comme ça. Bon, il en faut pour tous les goûts, mais bon, c'est... et parler de Yoko Ono, bien entendu, c'est John Lennon qui chantait ça sur Abbey Road en 1969. Quelques années plus tard, en 1986 pour être exact, Paul McCartney chantait une belle chanson d'amour, Footprints, sur un extrait de l'album Press to Play. An old ungathered world. Can you see me sitting here? His mind is somewhere else. His friends have flown away. He's left out in the cold. He won't sit by my fire. He says he likes it in the snow. Where footprints never go. He likes it in the snow. It's getting dark outside. The old man's going. I see someone waiting there. Is he living on his own? Where footprints never go. He likes it in the snow. White blanket hiding the traces of tears she didn't see. A magpie looks for food. The old hand throws a crumb. Do you think he's found a friend? Where footprints never go. He likes it in. Didn't they go now? I'll be chimney. The sky ain't blue, it's kinda yellow. You know it's true. Écoutez la saga des Fab Four en enregistré, c'est un home recording, donc enregistré à la maison. Et à l'instant, le groupe éphémère, les Traveling Wilburys, avec George Harrison, avec Bob Dylan, avec Tom Petty, avec Jeff Lynne et au départ avec aussi Roy Orbison, mort après le premier album en 1988. Et donc, ils ont fait un deuxième album qu'ils ont appelé Volume 3, puisqu'ils avaient voulu préparer le 2 lorsqu'ils ont appris la mort de Roy Orbison. Et donc, comme ça, ils ont décidé de l'appeler le numéro 3, puisqu'il n'était pas là. Et ils ont fini à 4, et puis ils se sont séparés, parce que d'abord, ça n'était que de la plaisanterie juste pour le fun. Et ils avaient... aucun des 4, des 5 même, n'avait besoin de ça pour leur carrière. Bref... c'était pas le groupe de George Harrison, mais c'était parti sur une idée assez marrante. George Harrison devait faire un 45 tours qui s'appelait Handle With Care, une phase B d'ailleurs. Il est allé voir son pote pour lui demander une guitare, un truc comme ça, qui lui dit « Ah ouais, mais je l'ai laissé chez l'autre. » Ils sont allés chez l'autre en disant « Ah bah oui, mais moi, faut que j'aille chez machin. » Ils sont allés chez machin et en fait, ils se sont dit « Tiens, ben, puisqu'on est là tous les 4 ou tous les 5, si on faisait quelque chose ensemble. » Et voilà, voilà comment ça a démarré. Voilà, c'est global, là, je trace les vraiment grosses lignes. Allez. On retrouve l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Rock and Roll de John Lennon en 1975. Et le titre du morceau, c'est Slipping and Sliding sur RIG. Slipping and sliding, beeping and hiding, been told a long time ago.

C'est la première prise de Hey Jude que vous retrouvez sur l'album, qui est l'album blanc qui est ressorti 50 ans après, donc en 2018. Vous êtes bien sur RIG, c'est une saga enregistrée que je vous propose, le Home Recording numéro 3, enregistré au mois de mars 2019, diffusé, je ne sais pas quand, regardez vos montres, regardez vos calendriers, vous le saurez. Change my world. Quelle superbe chanson, John Lennon et les Beatles forcément en 1970, Across the Universe. Et auparavant, c'était Ringo Starr, extrait de Liverpool 8, et cette chanson, Are You Ready? Yes, we are. Parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? I hardly think so. Well, you know, gentlemen, I mean... It verges from the sublime to the ridiculous. Well, one, two, three. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Incroyable quand... Allez, vas-y, Paul. Je disais... Et quand vous voulez, les gars. Je disais, c'est à peine croyable que 50 ans après, on ait l'impression, quand on écoute au casque, ce titre vient de sortir, a été enregistré là, il y a un mois, un truc comme ça. Ça a été enregistré il y a 50 ans, et c'est extrait de l'album Blanc, c'est la 13e prise de la chanson I Will, par les Beatles, forcément, et c'est absolument génial, génial, génial. Un petit medley, nous revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Rock'n'Roll de John Lennon, sorti en 1975. Voici le titre. Rip It Up, Ready Teddy. Si vous savez danser le rock, au bout de 1 minute, ça dure combien ? 1 minute 34, vous allez être fatigué, je vous le dis. Well, it's Saturday night and I just got paid. Cool by morning, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Cause it's Saturday night, baby, I'm feeling fine. Gonna rip it up, gonna rock it up, gonna shake it up. Qu'il s'éclate, John Lennon, sur ce double titre-là. Vous êtes bien sur RIG, c'est une saga enregistrée, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Nous en arrivons maintenant à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou sans les Beatles, donc en période séparée, que ce soit une création des Beatles ou même une reprise des Beatles, si un artiste connu chante une des chansons qu'ils ont chantées eux, ou même si vous chantez cette chanson-là, ça peut être la cover de la saga des Fab Four. Aujourd'hui, c'est Joe Cocker, non pas l'inévitable While My Guitar Gently Weeps, je ne sais pas pourquoi j'y pensais, mais With a Little Help from My Friends, il en a repris d'autres. Il a repris par exemple Something un peu plus tard. Moi, c'est moins flagrant que pour With a Little Help from My Friends, qui pour moi, la version est meilleure même que l'original. Là, c'est du Joe Cocker, mais je préfère la version de George Harrison. On écoute quand même, c'est la cover de la saga des Fab Four. I don't wanna do going fast, coming soon. We made love in the afternoon, found a flat. After that, we got married. Working hard for the dream, scoring goals for the other team. Times were bad, we were glad, we got married. Other. When you find a meeting of the minds, it's just as well. Love was all we ever wanted, it was all we ever had. Further on in the game, waiting up till the children came. Place your bets with no regrets. We got married. We got married. We got married, McCartney en 1989 avec We Got Married sur Flowers in the Dirt. Et quand on aime Paul McCartney, on aime bien faire un doublon. Pourquoi pas re-écouter du McCartney, cette fois-ci en 1993 sur l'album Off the Ground et ce superbe titre Golden Earth Girl sur RIG. Mmh. nest, sensing moonlight in the air, moonlight in the air. Good clear water, friend of wilderness, seas in the pool, hair on reflection. In another world, someone over there is counting fish in a sunbeam. In eggshell seas, fish in a sunbeam. Retournant en arrière, en 1970, George Harrison nous dit « Je, moi, le mien ». « I, me, mine » sur l'album « Let it be ». La saga des Fab Four, c'est une émission consacrée aux Beatles qui a été créée en 1984. C'est une saga enregistrée que vous écoutez. Je l'ai enregistrée à la maison en mars 2019. Je ne sais pas quand vous l'écouterez, on verra bien. Et si vous l'écoutez, c'est parce que je ne peux être présent à la radio sur RIG. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous et ben moi tout se passe bien au moment de l'enregistrement. Voici l'album de la semaine. L'album, c'est Rock and Roll de John Lennon en 1975. Et ce titre, You Can't Catch Me, sur RIG. Catch me.

extrait de l'album Extra Texture, Read All About It, de George Harrison en 1975. Vous venez d'écouter Can't Stop Thinking About You. Très très belle chanson de George Harrison. Vous êtes bien sur RIG, c'est une saga enregistrée. Il nous reste encore quoi ? Une vingtaine de minutes ? Voici la suite de la saga. C'était le dernier extrait de l'album de la semaine, l'album Rock and Roll de John Lennon. J'aime beaucoup d'ailleurs cet album, pas j'aimais. J'aimerais, voilà, comme dans la chanson de Francis Cabrel. On se dépêche, c'est pratiquement terminé, la saga des Fab Four enregistrée. Je vous propose deux Ringo Starr à la suite et deux chansons relativement inédites. La première, c'est avec des copains pour une œuvre qualitative. En 2017, un single qui est sorti comme ça, de manière sans trop de publicité et qui est resté malheureusement relativement méconnu. Ça s'appelle Now the Time Has Come. Et ensuite, il y aura You Never Know, extrait de la bande originale du film Curly Sue, sorti en 1994. Ringo Starr part deux fois dans la saga des Fab Four. We've all heard that only love conquers hate. Will we see the light before it's too late? Skies are getting dark, tears of sorrow falling. Listen to the voice and you will hear it calling. Now the time has come. Thing. can happen. A cloudy sky can suddenly break open before your eyes. There's the smiling face of summer chasing all the rain away. You never know which way a day is gonna take you. There's always some surprise that comes along to shake you. A simple rule of thumb that's often been neglected is take life as it comes. Expect the unexpected. You never see exactly where the road will lead you. And when it comes to love, you gamble when you need to. You'll maybe break your heart on one unlucky throw. But then again, you never know. Often been neglected is take life as it comes. Expect the unexpected. I never saw exactly where the road would lead me. One day I woke to find somebody needs me. I thought I'd taken luck as far as it would go. But then again, Thierry Gallet, animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. To cry, and she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. She's looking good. She acts as if it's understood. She's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back?

Voilà.